Le printemps est enfin arrivé et pour vous préparer pour la belle saison, le magasin Canadian Tire est fin prêt. Que ce soit pour les articles de piscine, tondeuse ou le centre du jardin qui ouvrira très bientôt, le magasin Canadian Tire a tout ce qu'il vous faut. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini. CanadianTire.ca. Le magasin Canadian Tire tient à souligner le mois de l'arbre et de la forêt. La forêt, un des moteurs économiques de notre secteur. Dolbeau Auto a décidé de souligner le mois de l'arbre et de la forêt en vous proposant le Silverado 1500 édition 4x4 à seulement 175$ aux deux semaines, à 1,5% de location pendant 48 mois, ou obtenez 11 000$ sur certains camions. Dolbeau Auto, 1770 boulevard Wahlberg, au téléphone 418-276-0580. On va parler du camp d'entraînement des Stampeders de Calgary. Pourquoi? Parce que notre invité est allé au camp des Stampeders et également, il a vu Alexandre Gagnon. On en parle avec Marc-Éric Bouchard de Radio-Canada qui est à Calgary. Salut Marc-André. Bonjour, comment ça va mon cher? Ça va bien? Ça va bien Marc-Éric. D'abord, si on parlait Marc-Éric t'es allé au camp des Stampeders et t'as vu Alexandre Gagnon. Oui. La différence comparativement à l'année passée. La différence, c'est que quand je suis arrivé, évidemment, pour l'entrevue, il m'a fait une blague. Il voulait se cacher pour pas faire l'entrevue avec moi, parce que évidemment, il voulait faire son petit comique. Tandis que l'an passé, évidemment, on se connaissait pas. T'es gêné, ouais. C'est drôle, c'est une belle façon de me dire bonjour par sa façon. Faut dire que c'est le plus grand. Oui, hein. Il est pas dur à reconnaître. Non, c'est ça, effectivement. Et justement, j'ai posé fait une bonne entrevue de 4-5 minutes avec lui, et j'ai dit, bon, est-ce qu'il y a une différence entre le Alex Gagnon de 2017 et un de 2018? Il dit oui, très différent. Il dit, j'ai appris plein de choses l'an passé, ma dernière année avec Sherbrooke. J'ai appris plein de choses aussi. L'année passée, j'arrivais, je connaissais pas personne, la langue, la ville, je savais pas où rester, je savais pas comment m'alimenter, évidemment, avant les matchs. Là, je sais exactement comment m'alimenter, me préparer avant, évidemment, les entraînements. Je connais bien la ville maintenant. Connais bien l'organisation. Je sais comment Dave Dickinson fonctionne. Je sais combien que l'organisation fonctionne avec les jeunes et les moins jeunes. Il dit, je suis vraiment content parce que là, je suis dans une zone de confort. Et je suis très content de pouvoir me battre pour une place cette année. Et aussi, c'est un peu énervant dans son cas, Danny, parce que l'an passé, il y avait un plan B. Son plan B, c'est d'avoir une cinquième année dans les rangs universitaires. Ouais. Là, il a terminé son stage universitaire. Et là, eh bien, ça passe ou ça casse. Parce que là, s'il est retranché par cette organisation-là, eh bien, il doit retourner chez lui. Et bon, sa carrière est peut-être terminée, à moins qu'une autre équipe s'intéresse à lui. Ouais, mais je pense c'est ça un peu le mystère là, dans son cas. Et est-ce que les Stampeders ont vraiment dans leur mire à long terme Alex Gagnon? J'ai parlé avec celui qui décrit les matchs depuis une vingtaine d'années, là. Marc, qui disait que, selon lui, il va rester avec l'équipe. Il va rester avec l'équipe, mais est-ce que dans l'équipe d'entraînement, c'est le practice ou okay, il va rester avec l'équipe, avec la formation partante? C'est ça qu'on sait pas, parce que à la position qu'il est, lui, il est un demi-défensif, un attaquant défensif. Et il peut jouer sur les unités spéciales, mais sur les unités spéciales, on a déjà les Adam Thibault, les William Langlais et les autres. J'ai bien hâte de voir. Là, pour le match de demain, j'ai reçu évidemment officiellement la carte de l'alignement, et il est sur l'alignement et il est le deuxième derrière M. Waters comme demi-défensif. C'est la ligne défensive. Il est sur, évidemment, la liste. Et il va sûrement faire aussi... Mais une chose qui est intéressante, les gens qui connaissent pas beaucoup le football, c'est que c'est assez rare que les plaqueurs défensifs partants sont également sur des unités spéciales. C'est assez rare. Ouais, c'est ça. Ça existe, mais c'est assez rare parce que c'est très demandant, cette position-là. Et j'ai hâte de voir comment que Dave Dickinson va gérer, évidemment, là, Gagnon, qui est très talentueux. Et aussi, vous savez, il est très grand. Ben oui. Et depuis un an, il est beaucoup plus large. Il dit qu'il a pris 25 livres, et ça l'aide à percer l'alignement de l'équipe pour la prochaine saison, puisque c'est ça qu'on lui avait dit. Oui, t'es grand, mais on veut un peu plus de muscle, on veut qu'il soit un peu plus solide sur tes deux pattes. Mm. Et il a pris plus de 20 livres, et là, il dit qu'il était très content de montrer qu'est-ce que l'organisation lui avait demandé l'année passée, là, quand il est retourné avec l'Université de Sherbrooke. OK, donc je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, tu dois rentrer en onde là-bas à Calgary, il est 2 heures de moins, donc tu es en onde là-bas. Dis-moi, as-tu l'occasion de parler avec quand même les dirigeants, avec Dave Dickinson et autres, d'Alexandre? Est-ce qu'il y a des chances? C'est sûr qu'Alexandre m'a dit que les coachs sont très, très bavards, mais le fait qu'il est deuxième, tu me diras ce que tu en penses. C'est bon signe, là? Mm. Ben, c'est bon signe, certainement. Évidemment, ouais. On le connaît, on connaît ses qualités, mais c'est dans le feu de l'action. Ouais. On va voir comment il gère son stress, comment il gère évidemment sa façon d'agir contre l'adversaire. Il va avoir du temps, beaucoup de temps demain contre ouais. les Lions de la Colombie-Britannique. Et c'est après, évidemment, ce match-là est crucial pour la carrière. Ah ouais, c'est clair. C'est évident, parce que souvent, c'est comme ça. Et c'est que si tu prends pas ta chance, les autres vont la prendre. À deux matchs, c'est sûr que c'est plus court. C'est plus court. Oui, que... c'est ça. C'est pas comme le hockey ou partout. La NFL. Les matchs, et les autres aussi, la NFL. Tandis que là, c'est deux matchs. En plus, c'est un match à domicile. Il va tout donner pour impressionner John Ofnagle, qui est le directeur général. Et après, on va voir comment que... C'est après le match que moi, je vais poser la question à Dave Dickinson, okay. à savoir... Bon, comment tu as trouvé l'attitude et les performances d'Alexandre Gagnon? Et c'est là, peut-être, qu'on va lire entre les lignes. On va voir si David Dickinson veut l'avoir dans son alignement ou on va le garder dans l'équipe d'entraînement pour okay. débuter la saison le 14 juin dans la Ligue canadienne de football. Marc-Éric, on va se reparler de lundi. Tiens, lundi, tu vas être là, tu vas avoir vu le match, tu vas parler à David Dickinson puis tu vas me faire un compte rendu là-dessus. Certainement. On va avoir plus de temps aussi. Donc, Marc-Éric Bouchard de Radio-Canada à Calgary.